Oui, on vous réveille ce soir sur France Inter avec le groupe qui s'appelle Major Lazer. C'est trois DJ et je pense que vous ne pouvez pas rester assis en écoutant la radio ce soir en direct des Eurocéennes. Vous êtes bien sur France Inter en direct des Eurockéennes de Belfort. C'est le collectif de trois DJs américains, Major Lazer, qui est sur scène. Ils étaient en studio ici tout à l'heure, histoire de vous donner quelques clés pour leur musique. Sure, I'll present myself. My name is Walshy Fire. Oui, je vais me présenter. Mon nom est Walshy Fire. Yes. Hi, I'm Jillian. I'm Diplo. Three DJs. Pretty much. We're three oui, DJs. On peut dire ça, ouais. On est trois DJs. Who is in command? Qui commande? Diplo is general. Is I think Diplo I'm the main producer of the music, but je I think suis on le producteur stage, principal de la musique. Walsh commands the. Mais sur scène, c'est plus Walsh qui est aux manettes. I'd be the maestro, I guess. C'est moi le maestro en quelque sorte, le chef d'orchestre. But we have a secret wizard of Oz. Mais on a un secret comme le magicien d'Oz. And his name is Perry Gow, and he's our artist. He draws all of our. Et voilà, il dessine sur scène en fait. C'est vrai que vous avez quand même les pochettes les plus colorées, les plus sympas depuis, peut-être, il faut le dire, depuis Gorillaz, on n'a jamais vu un truc un peu similaire. It's the best way for our fans to really relate to us because we're three DJs. C'est le meilleur moyen pour nos fans de pouvoir se connecter avec nous, parce qu'on est trois DJs. Our music is so bright and vibrant that notre musique est tellement éclatante et puis vibrante. The art holds it down for us. Donc l'art en fait ça permet de retenir, de contenir tout ça. Alors on sait que Diplo a grandi à Miami. Alors moi quand je pense, vous êtes, je sais pas quel âge vous avez, mais j'imagine que vous avez écouté de Miami Sound System. Wow, you are remember that. Gloria Estefan, oui, Dr. Beat, c'est un peu pile poil dans votre âge. Hein. She named it appropriately. It really was like a Miami Sound System. It was a full. Et le nom piece. Était très approprié parce que c'était vraiment le Miami Sound System. C'était tout un groupe. Several different cultures. A lot of people qui représentait plein salsa. De cultures différentes. But she had il y avait des gens qui venaient de la salsa, elle avait le côté freestyle, music in it, le côté un peu bohème. She did some reggae songs too, so she elle was a fait des chansons de reggae. Donc oui, elle représentait beaucoup le son de Miami. Donc total respect pour Miami Sound System. Yeah, Miami Sound Machine. Yeah, Miami yeah, Sound Machine en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? System. Miami Sound Machine. What you were talking about. Yeah. Oui, on a compris ce dont vous parliez. Miami Sound Machine. I remember I danced to their songs. Nice. Alors, j'avais entendu dire que vous dites que vous faites de la électro tropicale. C'est quoi? We don't really claim anything we do yet. C'est pas vraiment ce qu'on dit qu'on fait, mais we just do. On se contente de faire. Good. But I think a lot of people are making a mix of. Mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui font des mélanges. Non-Western music. De musique qui n'est pas de la musique occidentale. Et qui la mélange avec de l'électro et ou des tendances électro. Even in America, you have like stuff that's deemed tropical, like Miami Bass, Baltimore Club, and that's Miami stuff that's, that's in our neighborhood, you know. C'est quoi Miami Bass? C'est un peu dans notre quartier tout ça. What does it mean Miami Bass? Miami Bass would be your basic booty shake beat, you know. My meme, c'est le rythme qui te fait bouger le postérieur. Très poli mon traducteur. You know, Miami bass might have two general areas. Miami bass, on pourrait dire qu'il y a deux régions particulières. Super focused on the bass side of it, which il y a une partie qui est très concentrée sur la basse. Songs that had no vocals. Des morceaux où il n'y a pas de voix. But had several different layers of bass. Mais avec plusieurs couches de basse, plusieurs pistes de basse. A warning on the label that said play this at your own caution because you're gonna blow your speaker. Et il y a un avertissement sur la pochette qui dit voilà, jouez ça mais à vos risques et périls. If it didn't have that label, you didn't buy it. C'est parce que c'est pour les enceintes. Et s'il n'y avait pas ce label, on l'achetait pas. And then also it was for party. Et puis the other side was for party. Et puis l'autre aspect de la Miami bass, c'est pour danser, pour faire la fête évidemment. Oui, alors danser, faire la fête, tout le monde le dit, mais il fait super froid ici à Belfort et je sais que vos concerts deviennent les striptease collectives. Est-ce que ça va se passer ce soir et est-ce que vous vous foutez à poil aussi, Major Lazer? We've been to places that are cold, man. We DJ. On est allé dans des endroits où il fait très froid. We've DJ places in where it was like Quebec City, où il faisait moins 10. Montreal, super cold. Vraiment super froid. In Denver, when we had to blow my hands. À Denver. Ah oui. Mes mains étaient tellement froides que j'avais du mal à toucher les platines. We still took our clothes off. We don't care. Mais on s'est quand même déshabillé, on s'en fout. Sans la chaussette comme the Red Hot Chili Peppers à l'époque. Tu sais où ils étaient, leurs chaussettes. Keep our socks on, always. Toujours. Always keep your socks on. Est-ce que vous avez le temps, Major Lazer, parce que vous êtes signé sur Because, qui est un label français, est-ce que vous avez le temps de suivre un peu la scène française, en tout cas, tout ce qui est électro, la French Touch qui est un peu passée maintenant, mais est-ce que vous écoutez la musique française? We love what's going on in France. We have a lot of friends. On adore ce qui se passe en France. Like everybody from Club Cheval to... De Club Cheval. The whole Ed Banger crew. Toute le posse Ed Banger. Tequila Tex. Tequila Tex. Okay, San Pellegrino. San Pellegrino. And everybody, all man. All the Kitsune guys. Tous les gens de Kitsune aussi. Cassius, we met them last night. Cassius, qu'on a rencontré hier soir. Jillian, pourquoi vous connaissez si bien les groupes français? When I first started listening to electronic music, it was all French Touch, you know? Quand j'ai commencé à écouter la musique électronique, like, c'était vraiment l'époque de la French Touch. De Thomas Bangalter. Tous ces mecs-là. I like French people. J'aime beaucoup les Français, je crois. Alors, vous avez voyagé dans 60 millions d'endroits, j'exagère à peine, Diplo. Belfort, comment trouvez-vous le lac Massossi, le lieu, I've been all over the world, but nowhere is like Belfort. J'ai été partout sur la planète. That's what we wanted to hear. Rien ne ressemble à Belfort. C'est cool. Alors, j'ai vraiment une question, on est tous un peu impatients pour savoir, mais est-ce que Beyoncé va faire un featuring ce soir à Belfort? We asked her, but you know, on lui a demandé. I texted her, but I don't. Je lui ai envoyé un texto. She must be eating right Je now. Pense qu'elle est en train de manger alors qu'il est. She has a baby, so it's. Elle a un bébé maintenant, vous savez. She also has babysitters. Merci beaucoup, beaucoup, Major Lazer, so d'être venu ce soir. Thank you so much. It's really great to meet you. Yeah, un petit message pour nos auditeurs France Inter. Big up yourself every single time. One love. Ça, c'était Walshy Boy, Jillionaire. Thanks for listening and go buy one of Walshy our songs Boy. On iTunes right now. Okay. Merci d'écouter et puis allez acheter nos chansons sur iTunes maintenant. Diplo. Much love to everybody in France and beaucoup much love to pour tous les Français, beaucoup d'amour pour Valley, Philadelphia. Voilà qui connaît Philadelphie. Go Eagles. Let's go. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much. Alors j'ai rougi encore que Diplo me fait une dédicace avec beaucoup d'amour. En tout cas, on va retrouver ces doux dingues, les trois DJ de Major Lazer. Ils sont en ce moment en train de jouer sur la scène de la plage en direct des Rockyennes de Belfort, sur France Inter, bien sûr. I see your eyes keep on beating down. Come on. C'était bien sûr Get Free de Major Lazer featuring Amber of Dirty Projectors. Alors ce soir, on a vraiment entendu tous les mélanges de leurs influences entre le reggae roots, le dancehall, le rock, le Miami bass, comme il nous a expliqué. Il y a la tradition, bien sûr, du MC des Sound System. Et on a même entendu les vuvuzelas, il faut le dire, il faut le faire, sur la scène de Major Lazer. C'est des fous furieux. Et ils mettent vraiment le feu ce soir, et c'est le cas de le dire, aux Orokéennes. Et je pense même qu'il y a quelques personnes qui sont à poil là-bas, parce que c'est juste la tradition des concerts de Major Lazer, le collectif de 3 DJ qu'on vous présente ce soir sur France Inter. Okay. Hurricane de Belfort sur France Inter. I'm a kid. Il s'appelle Major Lazer sur France Inter en direct des Eurokings de Belfort. Je veux dire, ça bouge, on ne sait plus où nous sommes entre House of Pain, Prodigy, Nirvana. Le rock se mélange très bien avec The Dance Floor, le Reggae Roots et tout le reste. Alors, ce collectif va terminer dans quelques minutes. Ouf, j'espère que ça vous réveille un peu à cette heure-ci.

C'était Major Lazer sur la scène de la plage.